Chapitre 16e. La prison du château de Nantes, l'évasion. Nous sortîmes ainsi de Vincennes, escortés de gendarmes, de chevaux légers et de mousquetaires du roi, et des gardes de M. le cardinal Mazarin, qui, à mon opinion, n'eussent pas dû être de ce cortège, y parurent même avec éclat. Nous quittâmes le premier président au port à Langlois, et nous continuâmes notre route jusqu'à Beaugency, où nous nous embarquâmes après avoir changé d'escorte. La cavalerie retourna à Paris, et Pradel, qui avait pour enseigne Morel, qui est présentement, ce me semble, à Madame, se mit dans notre bateau avec une compagnie du régiment des gardes qui suivait dans un autre. L'exempt, les gardes du corps, la compagnie du régiment, me quittèrent le lendemain que je fus arrivé à Nantes. Je demeurai purement à la garde de M. le maréchal de la Meilleraie, qui me tint parole, car je ne pouvais rien ajouter à la civilité avec laquelle il me garda. Tout le monde me voyait. On me cherchait même tous les divertissements possibles. J'avais presque tous les soirs la comédie. Toutes les dames de la ville s'y trouvaient. Elles y soupaient souvent. Madame de Lavergne, qui avait épousé en seconde noces M. le chevalier de Sévigné et qui demeurait en Anjou avec son mari, m'y vint voir et y amena Mademoiselle de Lavergne, sa fille, qui est présentement Madame de Lafayette. Elle était fort jolie et fort aimable. Elle avait de plus beaucoup d'air de Madame de Lesdiguières. Elle me plut beaucoup, et la vérité est que je ne lui plus guère, soit qu'elle n'eût pas d'inclination pour moi, soit que la défiance que sa mère et son beau-père lui avaient donnée, dès Paris même, avec application, de mes inconstances et de mes différents amours, la mise en garde contre moi. Je me consolais de sa cruauté avec la facilité qui m'était assez naturelle, et la liberté que M. le maréchal de la Meilleraie me laissait avec les dames de la ville, qui étant à la vérité très entière, m'était d'un fort grand soulagement. L'exactitude de la garde fut égale à l'honnêteté. On ne me perdait jamais de vue que quand j'étais retiré dans ma chambre, et l'unique porte qui était à cette chambre était gardée par 6 gardes jour et nuit. Il n'y avait qu'une fenêtre très haute qui répondait de plus dans la cour, dans laquelle il y avait toujours un grand corps de garde, et celui qui m'accompagnait toutes les fois que je sortais, composé de ces 6 hommes dont j'ai parlé ci-dessus, se postait sur la terrasse d'une tour d'où il me regardait quand je me promenais dans un petit jardin, qui est sur une manière de bastion ou de ravelin qui répond sur l'eau. M. de Brissac, qui se trouva dans le château de Nantes à la descente du carrosse, et messieurs de Comartin, d'Acqueville, abbé de Pontcarré et Amelot, qui vinrent bientôt après, furent plus étonnés de l'exactitude de la garde qu'ils ne furent satisfaits de la civilité, quoiqu'elle fût très grande. Je vous confesse que j'en fus moi-même fort embarrassé, particulièrement quand j'appris par un courrier de l'abbé Charrier que le pape ne voulait pas agréer ma démission, ce qui me fâcha beaucoup, parce que l'agrément du pape ne l'eut pas validé et m'eût toutefois donné ma liberté. Je dépêchai en diligence à Rome Malclair, qui a l'honneur d'être connu de vous, et je le chargeai d'une lettre par laquelle j'expliquai au pape mes véritables intérêts. Je donnai de plus une instruction très ample à Malclair, par laquelle je lui marquai tous les expédients de concilier la dignité du Saint-Siège avec l'acceptation de cette démission. Rien ne put persuader sa sainteté, elle demeura inflexible. Elle crut qu'il y allait trop de sa réputation de consentir, même pour un instant, à une violence aussi injurieuse à toute l'Église, et elle dit ses propres paroles à l'abbé Charrier et à Malclair, qui pressaient le pape les larmes aux yeux. « Je sais bien que mon agrément ne validerait pas une démission qui a été extorquée par la force, mais je sais bien aussi qu'il me déshonorerait quand on dirait que je l'ai donné à une démission qui est datée d'une prison. » Je vous ai déjà dit que je m'allais quelquefois promener sur une manière de ravelin qui répond sur la rivière de Loire, et j'avais observé que, comme nous étions au mois d'août, elle ne battait pas contre la muraille et laissait un petit espace de terre jusqu'au bastion. J'avais aussi remarqué qu'entre le jardin qui était sur ce bastion et la terrasse sur laquelle mes gardes demeuraient quand je me promenais, il y avait une porte que Chalucet y avait fait mettre pour empêcher les soldats d'y aller manger son raisin. Je formais sur ces observations mon dessein, qui fut de tirer sans faire semblant de rien cette porte après moi, qui, étant à jour par des treillis, n'empêcherait pas les gardes de me voir, mais qui les empêcherait au moins de pouvoir venir à moi. De me faire descendre par une corde que mon médecin et l'abbé Rousseau, frère de mon intendant, me tiendraient, et de faire trouver des chevaux au bas du ravelin et pour moi et pour 4 gentilshommes que je faisais état de mener avec moi. Ce projet était d'une exécution très difficile. Il ne se pouvait exécuter qu'en plein jour, entre 2 sentinelles qui n'étaient qu'à 30 pas l'une de l'autre à la portée du demi-pistolet de mes 6 gardes, qui me pouvaient tirer à travers des barreaux de la porte. Il fallait que les quatre gentilshommes, qui devaient venir avec moi et favoriser mon évasion, fussent bien justes à se trouver au bas du ravelin, parce que leur apparition pouvait aisément donner de l'ombrage. Je ne me pouvais pas passer d'un moindre nombre, parce que j'étais obligé de passer par une place qui est toute proche, et qui était le promenoir ordinaire des gardes du maréchal. Si mon dessein n'eût été que de sortir de prison, il eût suffi d'avoir les regards nécessaires à tout ce que je viens de vous marquer, mais il s'étendait plus loin, et j'avais formé celui d'aller droit à Paris et de paraître publiquement. J'avais encore d'autres précautions à observer, qui étaient sans comparaison plus difficiles. Il fallait que je passasse en diligence de Nantes à Paris, si je ne voulais être arrêté par les chemins où les courriers du maréchal de la Meilleraie ne manqueraient pas de donner l'alarme. Il fallait que je prisse mes mesures à Paris même, où il était aussi important que mes amis fussent avertis de ma marche qu'il me l'était que les autres n'en fussent point informés. Voilà bien des cordes, dont la moindre qui eût manqué eût déconcerté la machine. Je me sauvai un samedi 3 août à 5 heures du soir. La porte du petit jardin se referma après moi presque naturellement. Je descendis, un bâton entre les jambes, très heureusement, du bastion qui avait 40 pieds de haut. Un valet de chambre, qui est encore à moi, qui s'appelle Fromentin, amusa mes gardes en les faisant boire. Ils s'amusèrent eux-mêmes à regarder un jacobin qui se baignait et qui, de plus, se noyait. La sentinelle, qui était à 20 pas de moi, mais en lieu d'où elle ne pouvait pourtant pas me joindre, n'osa me tirer, parce que lorsque je le vis compasser la mèche, je lui criai que je le ferais pendre s'il tirait. Et il avoua à la question qu'il crut, sur cette menace, que le maréchal était de concert avec moi. Deux petits pages qui se baignaient, et qui me voyant suspendu à la corde, crièrent que je me sauvais, ne furent pas écoutés, parce que tout le monde s'imagina qu'ils appelaient les gens au secours du jacobin qui se noyait. Mes quatre gentilshommes se trouvèrent à point nommé au bas du ravelin, où ils avaient fait abreuver leurs chevaux, comme s'ils eussent voulu aller à la chasse. Je fus à cheval moi-même avant qu'il y eût seulement la moindre alarme, et comme j'avais 40 relais posés entre Nantes et Paris, je serais arrivé infailliblement le mardi à la pointe du jour, sans un accident que je pus dire avoir été le fatal et le décisif du reste de ma vie. Aussitôt que je fus à cheval, je pris la route de Mauves, qui est, si je ne me trompe, à 5 lieues de Nantes, sur la rivière, et où nous étions convenus que M. de Brissac et M. le chevalier de Sévigné m'attendraient avec un bateau pour la passer. L'Aralde, écuyer de M. le duc de Brissac, qui marchait devant moi, me dit qu'il fallait galoper d'abord pour ne pas donner le temps aux gardes du maréchal de fermer la porte d'une petite rue du faubourg où était leur quartier, et par laquelle il fallait nécessairement passer. J'avais un des meilleurs chevaux du monde et qui avait coûté 1000 écus à M. de Brissac. Je ne lui abandonnais pas toutefois la main, parce que le pavé était très mauvais et très glissant. Mais un gentilhomme à moi qui s'appelait Boisguérin, ayant crié de mettre le pistolet à la main, parce qu'il voyait deux gardes du maréchal qui ne songeaient pourtant pas à nous, je l'y mis effectivement, on le présenta à la tête de celui de ses gardes qui était le plus près de moi, pour l'empêcher de se saisir de la bride de mon cheval. Le soleil, qui était encore haut, donna dans la platine, la réverbération fit peur à mon cheval qui était vif et vigoureux. Il fit un grand soubresaut et il retomba des 4 pieds. J'en fus quitte pour l'épaule gauche qui se rompit contre la borne d'une porte. Un autre gentilhomme à moi, nommé Beauchêne, me releva et me remit à cheval. Et quoique je souffrisse des douleurs effroyables, et que je fusse obligé de me tirer les cheveux, de temps en temps, pour m'empêcher de m'évanouir, j'achevai ma course de 5 lieues devant que le grand maître, qui me suivait à toute bride avec tous les coureurs de Nantes, au moins si l'on veut en croire la chanson de Marigny, m'eût pu joindre. Je trouvai au lieu destiné M. de Brissac et le chevalier de Sévigné avec le bateau. Je m'évanouis en y entrant. L'on me fit revenir en me jetant un verre d'eau sur le visage. Je voulus remonter à cheval quand nous eûmes passé la rivière, mais les forces me manquèrent, et M. de Brissac fut obligé de me faire mettre dans une fort grosse meule de foin, où il me laissa avec un gentilhomme à moi, appelé Montet, qui me tenait entre ses bras. Il emmena avec lui Joly, qui seul avec Montet avait pu suivre, les chevaux des autres ayant manqué, et il tira droit à Beaupré, à dessein d'y assembler la noblesse pour me venir tirer de ma meule de foin. J'y demeurai caché plus de 7 heures, avec une incommodité que je ne puis vous exprimer. J'avais l'épaule rompue et démise. J'avais une contusion terrible. La fièvre me prit sur les 9 heures du soir, et l'altération qu'elle me donnait était encore cruellement augmentée par la chaleur du foin nouveau. Quoique je fusse sur le bord de la rivière, je n'osais boire, parce que si nous fussions sortis de la meule, Montet et moi, nous ne sions eu personne pour raccommoder le foin, qui eût paru remuer et qui eût donné lieu par conséquent à ceux qui courent après moi d'y fouiller. Nous n'entendions que des cavaliers qui passaient à droite et à gauche. Nous reconnûmes même Coulon à sa voix. L'incommodité de la soif est incroyable et inconcevable à qui ne l'a pas éprouvée. Monsieur de la Poisse Saint-Offange, homme de qualité du pays, que Monsieur de Brissac avait averti en passant chez lui, vint, sur les 3 heures après minuit, me prendre dans cette meule, après qu'il eut remarqué qu'il n'y avait plus de cavaliers aux environs. Il me mit sur une civière à fumier, et il me fit porter par 2 paysans dans la grange d'une maison qui était à lui, à 1 lieue de là. Il m'y ensevelit encore dans le foin, mais comme j'y avais de quoi boire, je m'y trouvais même délicieusement. Monsieur et Madame de Brissac me vinrent prendre au bout de 7 ou 8 heures, avec 15 ou 20 chevaux, et ils me menèrent à Beaupréau, où j'y trouvai l'abbé de Bélesba qui les y était venu voir, et où je ne demeurai qu'une nuit, jusqu'à ce que la noblesse fût assemblée. Monsieur de Brissac était fort aimé dans tout le pays. Il mit ensemble, dans ce peu de temps, plus de 200 gentilshommes, et Monsieur de Ré, qui l'était encore plus dans son quartier, le joignit à 4 lieues de là, avec 300. Nous passâmes presque à la vue de Nantes, d'où quelques gardes du maréchal sortirent pour escarmoucher. Il fut repoussé vigoureusement jusque dans la barrière, et nous arrivâmes à Machecoul, qui est dans le pays de Ré, avec toutes sortes de sûretés. Je ne manquais pas dans ce bonheur de chagrin domestique. Madame de Brissac, qui s'était portée en héroïne dans tout le cours de cette action, me dit, en me quittant et en me donnant une bouteille d'eau impériale, « Il n'y a que votre malheur qui m'ait empêché d'y mettre du poison. » Mais il est impossible que vous conceviez combien je fus touché de cette parole, et je sentis, au-delà de tout ce que je vous en puis exprimer, qu'un cœur bien tourné est sensible jusqu'à l'excès de la faiblesse aux plaintes d'une personne à laquelle il croit être obligé. Je ne le fus pas à beaucoup près, tant à la dureté de Madame de Ré et de Monsieur son père. Ils ne purent s'empêcher de me témoigner leur mauvaise volonté dès que je fus arrivé. Celle-là se plaignait de ce que je ne lui avais pas confié mon secret, quoiqu'elle ne fût partie de Nantes que la veille que je me sauvais. Celui-ci pesta assez ouvertement contre l'opiniâtreté que j'avais à ne pas me soumettre aux volontés du roi, et il n'oublia rien pour persuader à M. de Brissac de me porter à envoyer à la cour la ratification de ma démission. La vérité est que l'un et l'autre mouraient de peur du maréchal de la Meilleraie, qui, enragé qu'il était et de mon évasion, et encore plus de ce qu'il avait été abandonné de toute la noblesse, menaçait de mettre tout le pays de Ré à feu et à sang. Leur frayeur alla jusqu'au point de s'imaginer, ou de vouloir faire croire, et que l'on eût pu, par conséquent, lui tourner en crime ce voyage. Comme la barque longue faisait force de vent sur nous, et que même elle nous le gagnait, nous crûmes que nous ne ferions que mieux de nous jeter à terre dans l'île de Ré. La barque fit quelque mine de nous y suivre. Elle bordeilla assez longtemps à notre vue, après quoi elle reprit la mer. Nous nous y remîmes la nuit, nous arrivâmes à Belle-Île à la pointe du jour. Je souffris tout ce que l'on peut souffrir dans ce trajet, et j'eus besoin de toute la force de ma constitution pour défendre et pour sauver de la gangrène une contusion aussi grande que la mienne, et à laquelle je n'appliquais jamais d'autre remède que du sel et du vinaigre. Je ne trouvais pas à Belle-Île le même dégoût qu'à Machecoul, mais je n'y trouvais pas, dans le fond, beaucoup plus de fermeté. L'on s'imagina au pays de Ré que le commandeur de Neuchèze, qui était à La Rochelle, aurait ordre, au premier jour, de m'investir dans Belle-Île. L'on y apprit que le maréchal faisait appareiller 2 barques longues à Nantes. Ses avis étaient bons et véritables, mais il s'en fallait bien qu'ils fussent si pressants qu'on les croyait. Il fallait du temps pour les rendre tels, et plus qu'il n'en eût fallu pour me remettre. La frayeur qui était à Machecoul inspira de l'indisposition à Belle-Île, et je m'en aperçus en ce que l'on commença à croire que je n'avais pas en effet l'épaule démise et que la douleur que je recevais de ma contusion faisait que je m'imaginais que mon mal était plus grand qu'il ne l'était en effet. L'on ne se peut imaginer le chagrin que l'on a de ces sortes de murmures quand on sent qu'ils sont injustes. Ce qui est vrai est que ce chagrin change bientôt de nature, parce que l'on n'est pas longtemps sans s'apercevoir qu'ils ne sont que les effets ou de la frayeur ou de lassitude. Il en tenait de l'une et de l'autre dans ceux dont je vous parle en ce lieu. Le chevalier de Sévigné, homme de cœur, mais intéressé, craignait qu'on ne lui rasât sa maison, et M. de Brissac, qui croyait avoir suffisamment réparé la paresse, plutôt que la faiblesse qu'il avait témoignée dans le cours de ma prison, était bien aise de finir, et de ne pas exposer son repos à une agitation à laquelle on ne voyait plus de fin. Je n'avais pas moins d'impatience qu'eux de les voir hors d'une affaire à laquelle ils n'étaient point engagés que par l'amour de moi. La différence est que je ne croyais pas le péril si pressant, ni pour eux ni pour moi, que je ne pusse, à mon sens, prendre le temps et de me faire traiter et de me pourvoir d'un bâtiment raisonnable pour naviguer. Ils me voulurent persuader de passer en Hollande, sur un vaisseau de Hambourg qui était à la rade, et je ne crus pas que je dusse confier ma personne à un inconnu qui me connaissait et qui pouvait me mener à Nantes comme en Hollande. Je lui proposai de me faire venir cette frégate de corsaires de Biscaye, qui était mouillée à notre vue à la pointe de l'île, et ils appréhendèrent de criminaliser par ce commerce avec les Espagnols. Tant fut procédé que je m'impatientais de toutes les alarmes que l'on prenait, ou que l'on voulait prendre à tous les moments, et que je m'embarquais enfin sur une barque de pêcheurs où il n'y avait que 5 mariniers de Belle-Île, jolis, 2 gentilshommes à moi, dont l'un s'appelait Boisguérin et l'autre Salès, et valet de chambre que mon frère m'avait prêté. La barque était chargée de sardines, ce qui nous vint assez à propos, parce que nous n'avions que fort peu d'argent. Mon frère m'en avait envoyé, mais l'homme qui le portait avait été arrêté par les gardes-côtes. Monsieur son beau-père n'avait pas eu l'honnêteté de m'en offrir. Monsieur de Brissac me prêta 80 pistoles, et celui qui commandait dans Belle-Île, 4. Nous quittâmes nos habits. Nous prîmes de méchants haillons de quelques soldats de la garnison, et nous nous mîmes à la mer à l'entrée de la nuit, en dessein de prendre la route de Saint-Sébastien, qui est dans le Guipuscoa. Ce n'est pas qu'elle ne fût assez longue pour un bâtiment de cette nature, car il y a de Belle-Île à Saint-Sébastien 80 fort grandes lieues, mais c'était le lieu le plus proche de tous ceux où je pouvais aborder avec sûreté. Nous eûmes un fort gros temps toute la nuit. Il calma à la pointe du jour, mais ce calme ne nous donna pas beaucoup de joie, parce que notre boussole, qui était unique, tomba dans la mer par je ne sais quel accident. Nos mariniers, qui se trouvèrent étonnés, et qui d'ailleurs étaient assez ignorants, ne savaient où ils étaient, et ne prirent de route que celle qu'un vaisseau qui nous donna la chasse nous força de courir. Ils reconnurent à son garbe qu'il était turc et de Salé. Comme il brouilla ses voiles sur le soir, nous jugeâmes qu'il craignait la terre et que, par conséquent, nous ne pouvions en être loin. Les petits oiseaux qui venaient se percher sur notre mât nous le marquaient d'ailleurs assez. La question était quelle terre ce pouvait être, car nous craignions autant celle de France que celle des Turcs. Nous bordaillâmes toute la nuit dans cette incertitude. Nous y demeurâmes tout le lendemain, et un vaisseau dont nous voulûmes nous approcher pour nous en éclaircir nous tira, pour toute réponse, 3 volets de canon. Nous avions fort peu d'eau, et nous appréhendions d'être chargés en cet endroit par un gros temps auquel il y avait déjà quelque apparence. La nuit fut assez douce, et nous aperçûmes à la pointe du jour une chaloupe à la mer. Nous nous en approchâmes avec beaucoup de peine, parce qu'elle appréhendait que nous ne fussions corsaires. Nous parlâmes espagnol et français à 3 hommes qui étaient dedans, mais ils n'entendirent ni l'une ni l'autre langue. L'un d'eux se mit à crier « San Sébastien » pour nous donner à connaître qu'il en était. Nous lui montrâmes de l'argent et nous lui répondîmes « San Sébastien » pour lui faire connaître que c'était où nous voulions aller. Il se mit dans notre barque et il nous y conduisit, ce qui lui fut bien aisé parce que nous n'en étions pas fort éloignés. Nous ne fûmes pas plutôt arrivés qu'on nous demanda notre charte partie et qui était si nécessaire à la mer que tout homme qui navigue sans l'avoir épandable, sans autre forme de procès. Le patron de notre barque n'avait pas fait cette réflexion, croyant que je n'en avais pas de besoin. Le défaut de ce papier, joint aux méchants habits que nous avions, obligea les gardes du port à nous dire que nous avions la mine d'être pendus le lendemain au matin. Nous leur répondîmes que nous étions connus de M. le baron de Vatteville, qui commandait pour le roi d'Espagne dans le Guipuscoa. Ce mot fit que l'on nous mit dans une hôtellerie et que l'on nous donna un homme qui mena joli à M. de Vatteville, qui était au passage, et qui d'abord jugea par ses habits tout déchirés qu'il était un imposteur. Il ne lui témoigna pourtant pas à tout hasard, et il vint me voir dès le lendemain au matin dans mon hôtellerie. Il me fit alors un fort grand compliment, mais embarrassé, et d'un homme qui avait accoutumé, au poste où il était, de voir souvent des trompeurs. Ce qui commença à le rassurer fut l'arrivée de Beauchesne, que j'avais dépêché à Paris de Beaupréau et que mes amis me renvoyèrent en diligence aussitôt qu'ils surent que je m'étais embarqué pour Saint-Sébastien. Il le trouva si bien informé des nouvelles qu'il eut lieu de croire que ce n'était pas un courrier supposé, et il l'en trouva même beaucoup mieux instruit qu'il n'eût souhaité, car ce fut lui qui lui apprit que l'armée de France avait forcé celle d'Espagne dans les lignes d'Arras, et cet avis, que M. de Watteville fit passer en diligence à Madrid, fut le premier que l'on y eut de cette défaite. Beauchesne me porta avec une diligence incroyable sur une frégate de corsaires biscayens qu'il trouva à la pointe de Belle-Île et qui fut ravi de se charger de sa personne et de son passage, sachant qu'il me venait chercher à Saint-Sébastien. Mes amis me l'envoyèrent pour m'exhorter à prendre le chemin de Rome plutôt que celui de Mézières, où ils appréhendaient que je ne voulusse me jeter. Cet avis était certainement le plus sage. Il ne fut pas le plus heureux par l'événement. Je le suivis sans hésiter, quoique ce ne fût pas sans peine.